Chapitre 61e, le japonais s'en va. Très simplement, mais d'une voix nette, en termes précis, le japonais dit alors « Il est évident qu'une fois de plus, M. Otto Friedenstrass réussira habilement, prestement, à jouer de la façon la plus ingénieuse pour Paulin Broquet. Il saura, tout comme le fameux pot d'anguille, lui glisser dans les doigts. Mais là n'est pas la question. Permettez-moi de l'énoncer rapidement. Je suis entré en pourparler avec vous, messieurs, pour la livraison du document concernant le détonateur Imailo. Le DR seul intéresse mon gouvernement. Or, nous nous sommes attardés à la poursuite du traité des Dardanelles. Ici, Paulin Broquet a fait échouer tous nos plans. On a, à Londres, voulu faire parler malgré lui le capitaine de la Rochardie, et cet officier s'est conduit, quoi qu'en dise M. Otto Friedenstrass, en héros, en soldat français. » Otto Friedenstrass grogna quelque chose en allemand, voulut répondre, mais le japonais sèchement lui coupa la parole. « Je poursuis, » dit-il. « On a obligé le jeune Reynaud, en le prenant par ses vices, en lui fournissant de l'argent, à livrer des documents. Ces documents ne valaient pas grand-chose et Paulin Broquet a arrêté le jeune Reynaud. On a essayé de prendre au courrier de cabinet anglais les documents du Foreign Office. Si je ne me trompe, M. McBinkerton ou M. McCrellion devaient faire cette opération. » Mais Paulin Broquet a prévenu McBinkerton et fait arriver à bon port les précieux papiers. On a voulu compromettre M. Simonet, on l'a même gratifié d'un coup de poignard, mais Paulin Broquet a pu s'emparer des documents que la charmante comtesse Varsovia avait placés dans la poche du galant chef de cabinet, et l'affaire bien préparée n'eut aucun résultat. Pardon, elle fit tomber dans les mains de Paulin Broquet un des meilleurs auxiliaires de Zégomard, qui était ce jour-là chauffeur, et fut fort malmené par Sidi l'Algérien. On avait mis un traître parmi les hommes de Paulin Broquet, et le détective sut punir le félon de terrible façon. De même qu'il sut arriver à temps pour sauver, avant cela, son homme ma pipe et esquiver la bombe de cristal, qu'il ne devait pas rater, cependant. Gretchen ne donne rien auprès du capitaine Malter, et Paulin Broquet a pris devant le panier d'eux encore un homme de Zégomard. Mais tout cela, messieurs, faisait partie de l'affaire du traité des Dardanelles. Elle a piteusement échoué, grâce à Paulin Broquet, dont décidément M. Otto Friedenstrass a tort de se moquer. Le baron Osaka continua, calmant d'un geste les mouvements d'impatience de ceux qui l'écoutaient. « Venons au DR. Où en sommes-nous ? Au même point, sinon plus en arrière qu'au début de nos négociations. On a placé auprès du colonel de Fongrive Mme Garitsa. Et Mme Garitsa fournissait du document que lui remettait Paulin Broquet. C'est assez bien joué. » Will Wilson s'écria « La trahison a été punie. J'y arrive, maître, j'y arrive !» dit avec le plus grand calme le baron Osaka. « J'y arrive. » Avant cela, permettez-moi de constater un fait. C'est que vous vouliez faire d'une pierre deux coups, comme dit si justement un proverbe français. Car tout en traitant avec moi, vous négociez avec l'Allemagne. Will Wilson voulut parler, mais le japonais, d'une voix nette, incisive, déclara « Je n'admets aucune contradiction. J'ai les preuves. » C'est même l'agent allemand de Paulin Broquet qui me les a fournis. Vous êtes donc vous-même, vous, notre ami, en relation avec notre ennemi? La question ne peut se poser, maître, car si vous voulez voir une trahison dans le fait de bien me renseigner, je serai forcé d'en reconnaître une dans votre trop habile négociation double. » Cette réplique causa une grande sensation. Il y eut un moment de silence. Will Wilson, nerveusement, crispait ses doigts sur la table et ses yeux lançaient des éclairs, ses yeux aux lueurs vertes de tigre. Mais il avait repris son sourire de fauve et cherchait à prendre l'air le plus tranquillement pour écouter l'acte d'accusation, c'en était absolument un, du japonais. Il savait sans doute déjà comment y répondre. « Mais, reprit le baron Osaka, j'arrive à ce châtiment que mérita la trahison, et je le proclame à haute voix injuste. »« Injuste, châtie un traître ?» s'écria Otto Friedenstrass. « Inutile, » ajouta le baron Osaka, « et je le qualifie de stupide. Pourquoi »« Pourquoi ?» demanda l'Allemand en agitant son colossal corps. « Pourquoi ?»« Il montre un manque absolu de psychologie de la part de celui qui a prononcé la condamnation. »« La psychologie n'a rien à voir ici. Je m'explique. Je prouve. » On croyait tenir Mme Garitsa par son passé. Or, son passé, elle l'avait subi, elle en était victime. Il y a de par le monde, en France surtout, assez de cœurs au placé pour pardonner à une femme le passé qui l'a accablée, dont elle n'est pas coupable. Précisément, Mme Garitsa se trouvait auprès d'un de ses cœurs d'élite, le colonel de Fongrive, et elle devait trouver un appui chez celui qui, mieux que vous, connaissait la réalité du passé de cette femme. Paulin Broquet, cet autre grand cœur. Le baron Osaka jeta un coup d'œil sous ses paupières bridées sur cette assemblée qui, frissonnante maintenant, écoutait avidement. J'ai dit que le châtiment était injuste. En effet, celui qui a placé Madame Garitza auprès du colonel de Fongrive aurait dû l'enlever de là quand il s'est aperçu que cette femme aimait celui qu'elle devait trahir. Car jamais, jamais, une femme ne va contre son cœur. Jamais une femme, de quelque caste qu'elle soit, quelle que soit son intelligence, son éducation, son raffinement ou sa rudesse, jamais une femme ne trahira pour la plus grande richesse ou dans les plus grands supplices celui qu'elle aime. Vous en avez eu la preuve. » Alors, d'une voix plus sombre, avec une intonation douloureuse, le baron Osaka reprit. « Je dis aussi que ce châtiment était inutile, parce qu'il ne peut servir d'exemple. Il mérite la réprobation. Il est odieux, messieurs, odieux. » Paulin Broquet, s'écria Otto Friedenstrasse, a bien brûlé vif un de nos hommes pour sa trahison. Pardon. Paulin Broquet se défendait. Il a fait tomber le traître dans le piège où ce traître voulait le conduire. C'est de bonne guerre, c'est parfait. Et puis, c'était un homme. Votre victime était une femme. La trahison n'a pas de sexe, cria Otto Friedenstrasse. Je proclame, répondit le baron Osaka, que pareil châtiment est odieux, appliqué à un homme ou à une femme. Et je déclare en outre, messieurs, que dès que j'en ai eu connaissance, j'ai immédiatement envoyé mon ami le grand savant japonais, le docteur Yeritsu, un disciple de la science française, M. Otto Friedenstrasse, à son illustre confrère, le docteur Robert Montreuil, lui disant de tâcher de sauver à eux deux, avec tout leur génie bienfaisant, cette malheureuse femme. La science est arrivée trop tard et s'est vue impuissante devant ce mal épouvantable. Alors le baron Osaka se leva. Il fit un pas et vint se placer en face de Will Wilson. « Et maintenant la conclusion, dit-il. J'appartiens à un peuple qui hier encore était barbare au sentiment des Européens, chez qui la cruauté est, dit-on, chose habituelle. Mais ce peuple cruel, implacable, s'attaque à l'homme et a pitié des femmes. Et moi, pour mon honneur de Japonais, je refuse de m'associer à ceux qui emploient vos moyens et se vengent de cette façon sur des faibles de leur échec. Messieurs, je constate que vous avez manqué à nos conventions au sujet du DR et je crois qu'il vous est impossible maintenant d'arriver à un résultat. Veuillez considérer dès ce moment toutes nos relations comme rompues, toutes nos conversations comme tombées au rebut. Désormais, j'agirai seul, d'après mon inspiration, selon mes moyens. J'ai bien l'honneur de vous saluer. » Et s'inclinant devant Will Wilson, il se retira. Quand le Japonais eut refermé la porte sur lui, quand il fut sorti, Will Wilson, coupant le silence qui suivit ce départ, s'écria « Cet homme sait trop de choses sur nous, il connaît trop de nos secrets. Cet homme, qui désapprouve nos jugements, vient de se condamner lui-même. » Will Wilson appuya sur un bouton électrique qui se trouvait dans son bureau et sonna plusieurs fois, comme font les télégraphistes lançant un message sur l'alphabet Morse. Puis, étendant la main, il fit signe aux assistants de ne pas bouger, de garder le silence. Il écouta ainsi quelques minutes, tournant la tête vers la porte, tendant l'oreille vers le corridor qui faisait suite à ce salon, attendant la réponse à l'ordre qu'il venait d'envoyer. L'attente ne fut pas longue. Deux ou trois minutes après le départ du baron Osaka, dans le couloir, on entendit un bruit de lutte, des cris, des appels étouffés, puis des coups de revolver. Will Wilson eut un geste de colère. Tapant du poing sur la table, il s'écria « Les maladroits !» Mais Otto Friedenstrasse avait fait un bond. « Ce coup de revolver » fit-il, tout pâle, tremblant. « Ça fait du bruit. On a dû l'entendre. On va courir. » Will Wilson ne prit pas la peine de le rassurer. Il haussa seulement les épaules et l'attendit encore. Deux minutes après le bruit de lutte, la porte du salon dans lequel se tenait cette singulière assemblée s'ouvrit. Des hommes en tenue de valet de chambre ou ayant la livrée de l'hôtel parurent, portant un homme durement ligoté et habilement bâillonné. C'était le baron Osaka. Il avait les mains liées derrière le dos et un bâillon sur la bouche. Tous les sentiments de son âme, pleine de colère, de rage, se lisaient dans ses yeux bridés. Les hommes le placèrent debout devant la table de Will Wilson. « Il faut l'achever !» cria Otto Friedenstrasse, tendant le poing vers le prisonnier. Le prisonnier tourna lentement la tête vers l'Allemand et lui lança un regard de profond mépris. Puis, très calme, il regarda à nouveau Will Wilson et sans faire le moindre mouvement, il attendit.